me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler. Je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. De quelle couleur était le cheval blanc du général, demande malicieusement et judicieusement l'historien Edam Eldem. Et plus généralement, quelles sont les chausse-trappes qui guettent l'historiographie turque ? Quel est l'impact de l'orientalisme, toujours présent dans la discipline, et quels sont les réflexes eurocentristes des siècles précédents qui peuvent perdurer? Quels sont les risques aujourd'hui d'un certain anti-orientalisme et comment échapper au fétichisme documentaire des Turcs? Comment ne pas se laisser happer par l'approche téléologique? Titulaire de la chaire internationale d'histoire turque et ottomane au Collège de France, professeur à l'Université du Bosphore, Edam Eldem a enseigné aussi bien aux États-Unis qu'en France. C'est riche de cette approche variée et attachée aux méthodes de l'analyse documentaire qui nous entraîne dans une histoire complexe dans le cadre de sa série intitulée « L'Empire ottoman et la Turquie face à l'Occident ». Depuis hier, l'historien revient sur les problèmes généraux que pose l'historiographie turque et dans une interview donnée au journal Le Monde en 2015, il notait déjà, et je le cite, que l'exploitation et la manipulation de l'histoire à des fins politiques sont à la base de l'idéologie et de la politique turque depuis environ un siècle. Du point de vue de l'historien, le négationnisme officiel rejoint d'une part le mythe kémaliste des années 1930 de nos ancêtres les Hittites, qui voulaient que toutes les populations anatoliennes fussent turques, et d'autre part les fantaisies néo-ottomanistes du gouvernement actuel qui prétendent établir une continuité nationale entre le passé ottoman et le présent. C'est ce que m'a fait écrire, dit-il encore, qu'il fallait sauver l'histoire ottomane des Turcs. Aujourd'hui, Edam Eldem poursuit son analyse du monopole turc sur l'histoire ottomane, encouragé en cela, nous dit-il, par le rejet systématique par les autres États successeurs, balkaniques et arabes, de l'héritage ottoman, jugé incompatible avec leur propre récit national. Comment rendre à l'histoire de l'Empire ottoman et de la Turquie sa pluralité de voix et de récits? Comment faire de l'histoire solide? Nous gagnons tout de suite l'amphithéâtre du Collège de France les 12 et 19 janvier 2018 pour le cours d'Edam Eldem, aujourd'hui des chausse-trappes de l'histoire ottomane. Si les Grecs, les Bulgares, les Serbes, les Syriens, les Égyptiens se dissocient, se désintéressent de l'histoire ottomane, ils la laissent en pâture aux Turcs qui en feront ce qu'ils voudront. Et c'est ce qui est arrivé. Je pense qu'il est absolument essentiel d'encourager, et depuis quelques années ça marche très bien, d'encourager ces autres États successeurs à se pencher sur leur part de l'héritage ottoman sans complexe, sans en tirer une sorte de martyrologie et de récit de victimisation, mais de se pencher tout simplement sur la réalité de tous les jours, dans un contexte qui était dominé par un État ottoman qui, franchement, n'avait pas les moyens d'exercer une telle violence sur ces régions, et voir un peu comment on peut intégrer cela dans un récit beaucoup plus flexible, beaucoup plus réaliste de l'histoire de cette région. Et cela permettrait de créer une histoire alternative, concurrentielle à ce discours moniste de la Turquie et des historiens turcs. Ça a commencé. C'est-à-dire qu'en Grèce, en Bulgarie notamment, depuis 10-20 ans, il y a des travaux d'historiographie ottomane, d'histoire grecque ottomane qui sont faits, qui sont remarquables et qui ont énormément contribué à une meilleure compréhension justement de la complexité de cet animal. Puisque pour comprendre cet animal, encore une fois, il ne suffit pas de le voir du centre, il faut le regarder de la périphérie. Il faut essayer de comprendre comment il est perçu à distance. Distance culturelle, distance physique, distance sociale, distance économique, toutes les distances. Et c'est là que nous commençons à avoir une meilleure compréhension de la chose. Enfin, le facteur idéologique politique qui a énormément joué sur la discipline, c'est l'orientalisme. Alors, l'orientalisme, c'est un terme qui est ambigu, notamment en France, où il est encore utilisé dans le sens de l'érudition portée sur l'Orient. L'érudition, l'étude des choses orientales. C'est la version classique, si vous voulez, de la définition de cette discipline. Mais l'orientalisme, depuis la publication notamment de Orientalism par Edward Said en 1978, c'est devenu autre chose aussi. C'est devenu une idéologie qui est reconnue comme étant fondatrice, essentielle dans la définition des relations entre l'Occident, justement cet Occident qui m'intéresse, et l'Orient au XIXe siècle. Une perception essentialiste par laquelle l'Orient est réduit à une forme d'apathie et d'incapacité surtout de se rénover, de se transformer sans un apport, sans un stimulus extérieur. Et ce stimulus, cette influence extérieure, c'est bien sûr l'insémination par la modernité et la civilisation occidentale. Au XIXe siècle, l'orientalisme définit la politique occidentale. Elle définit la politique des grands empires coloniaux, la France, mais surtout la Grande-Bretagne. Mais elle définit aussi les relations des cabinets européens avec l'Empire ottoman, qui est sans cesse stigmatisé avec cette appellation d'oriental, avec l'implication que cet empire, parce qu'il est oriental, parce qu'il est musulman ou à dominance musulmane, est incapable de se régénérer à moins de se soumettre entièrement à la volonté et aux normes de l'Occident. L'orientalisme du XIXe siècle est tellement puissant qu'il finira par être revendiqué, réapproprié, adapté par les Ottomans eux-mêmes. J'ai beaucoup travaillé sur l'orientalisme ottoman, qui est un phénomène passionnant, un peu frustrant, un peu déprimant, mais fascinant, d'un groupe d'intellectuels ou d'hommes d'État qui finissent par croire à l'argument orientaliste au point d'essayer de s'en tirer en se créant un Orient intérieur. Et c'est quelque chose que la République de Turquie fera à merveille, d'autant plus que, contrairement à l'élite ottomane, la République kémaliste jouera la carte de la laïcité et, par conséquent, pourra taper sur l'islam comme étant une des causes principales de l'arriération de l'Orient. Donc, l'occidentalisation du XIXe siècle se fait à coup d'orientalisme. Et à coup d'orientalisme réapproprié, réutilisé par les classes dirigeantes de l'Empire. Seulement, cette époque est révolue, du moins on l'espère. Mais il est vrai que dans le domaine de l'histoire turque et ottomane, il y a encore de beaux restes d'orientalisme. Ce n'est plus de l'orientalisme bête et méchant comme vous l'aviez au XIXe siècle. L'orientalisme n'est pas, ne devrait pas être réduit à une caricature de lui-même. C'est beaucoup plus subtil. C'est une idéologie qui elle-même a énormément évolué et qui par conséquent s'est délestée de ces lourdeurs idéologiques qui l'a caractérisé au XIXe siècle. Donc, quand vous recherchez de l'orientalisme, si vous réduisez votre quête à la violence, le sexe et tout ce que vous associez avec les tropismes du XIXe siècle, vous passez à côté d'un orientalisme qui est beaucoup plus fin, beaucoup plus subtil, beaucoup plus présent dans les sciences sociales et dans les humanités au cours du XXe siècle et encore aujourd'hui. Qui plus est, l'orientalisme n'est pas forcément aussi affreux qu'il le paraît. C'est-à-dire que même si le fondement idéologique de l'orientalisme est une sorte de démonisation de l'Orient, une sorte de dénigration de l'Orient, il n'en est pas moins vrai qu'il repose sur une base d'érudition, de science, une accumulation de savoir qui est impressionnante. Et que par conséquent, même s'il a des penchants pour des interprétations qui sont parfois très problématiques, cela ne veut pas dire que l'on doive jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est ce qui fait la force de l'orientalisme. Et c'est ce qui le fait encore imprenable dans un monde qui est encore, pour le moment, dominé par l'Occident. Il n'y a qu'à voir un peu la distribution des pôles de production de l'histoire turque et ottomane, comme je l'appelle depuis le début de ma séance. Vous en avez un dont j'ai assez parlé, c'est la Turquie. Bon, ça tombe sous le sens, c'est un monopole de fait. Et ce n'est pas forcément le pôle de la meilleure production, je pense que je vous en ai déjà donné une idée. Mais si vous regardez la distribution du reste de la production, vous verrez que le plus grand pôle, c'est comme pour toutes les sciences, les États-Unis. Les États-Unis, les universités américaines, qui, avec leur système de diffusion extrêmement puissant, notamment avec les presses universitaires, maintiennent une sorte de contrôle de fait sur toutes ces histoires plus ou moins exotiques. Et ce contrôle de fait est une forme d'orientalisme. Je vous donnerai un exemple. Le fait que la plupart des Américains ou des Européens qui se lance dans l'étude de l'Empire ottoman ou de la Turquie, ne sont pas vraiment requis, on n'attend pas d'eux qu'ils aient une maîtrise de la langue qui soit vraiment exceptionnelle. Une pratique du document, une capacité à lire le document et la littérature suffit largement. D'ailleurs, je pense que ce n'est pas faux. Je pense qu'il ne faut pas non plus exiger de l'historien de l'Empire ottoman de parler le turc comme un turc. Mais en revanche, lorsque vous vous placez de l'autre côté de ce fossé, lorsque vous regardez quelles sont les chances d'un étudiant turc de faire de l'histoire américaine, de l'histoire française, vous vous rendez compte que c'est un monde bien inégal. Alors, bien sûr, il y a des raisons tout à fait concrètes pour cela. C'est le fait que, en Turquie, il est pratiquement impossible d'acquérir les connaissances minimales nécessaires à commencer une carrière dans les disciplines que je viens d'évoquer. Mais d'un autre côté, pour ceux qui y réussissent, on sait qu'il y a des obstacles. il y a des barrières qui se posent entre l'Occident et le reste, le West et le rest, comme disent les anglo-saxons, qui, en gros, reflètent la survivance, la pérennité de certains formats de domination du XIXe siècle, même s'ils sont aujourd'hui très dilués. Et une fois que vous ôtez la Turquie et les États-Unis du jeu, les pôles de production de l'histoire ottomane et turque, c'est essentiellement l'Europe, la France et l'Allemagne surtout. C'est Israël, et Israël est un cas fascinant pour deux raisons. D'abord, parce que ça prouve à quel point il est possible de transplanter une science essentiellement anglo-saxonne, essentiellement américaine, dans un contexte moyen-oriental, avec des relations politiques qui permettent justement cette infusion, mais aussi parce que Israël est le seul pays dans la région qui, jadis, était occupé par l'Empire ottoman, qui n'est pas un État successeur. Et par conséquent, qui n'a pas les complexes ou les problèmes que j'ai décrits en parlant de la Grèce, de la Bulgarie, de la Syrie, de l'Égypte, qui n'a pas de maille à partir, en quelque sorte, avec l'Empire ottoman, avec ce que l'Empire ottoman représente, et qui, par conséquent, fait de l'histoire ottomane très bien, à l'américaine, si vous voulez, avec les défauts que cela implique, et ça, j'en parlerai dans un instant, mais qui n'a pas à se soucier des conséquences politiques de cet intérêt pour une histoire de la région qu'ils occupent dans une période où leur État, leur histoire nationale ne faisait pas partie du récit local. Et enfin, vous avez les autres États successeurs, c'est-à-dire la Grèce, la Bulgarie, la Serbie, le Monténégro, la Syrie, l'Irak, etc., où l'histoire ottomane, malheureusement, est très peu faite, mais où on voit poindre des centres d'innovation et d'originalité qui, j'en suis persuadé, contribueront énormément à un renouvellement de notre compréhension, notre connaissance de l'Empire ottoman et de l'histoire ottomane dans les années et les décennies à venir. Je voudrais terminer avec des problèmes purement historiographiques, purement méthodologiques. Tout d'abord, ce que j'appelle le fétichisme documentaire. Je vous en ai donné un avant-goût en parlant de cette tendance que les historiens turcs avaient à embrasser littéralement le document ottoman bien sûr, comme étant la source de toutes les vérités, et le prendre au pied de la lettre, ne jamais vraiment le critiquer, et par conséquent s'emprisonner dans un texte qui lui-même est extrêmement problématique. Alors, bien sûr, on sait que les archives de l'État ottoman sont extrêmement riches. On sait que l'Empire ottoman était une structure étatique obsédée par le registre, par l'enregistrement notamment des données qu'il considérait être cruciales à sa survie, fiscalité, la chose militaire, tout ce que l'on associe avec le fonctionnement d'un empire à l'ancienne. Et c'est vrai, par conséquent, qu'il y a une documentation immense dont à peine une fraction a été exploitée jusqu'à ce jour. Cela étant dit, cette masse documentaire doit être prise avec un grain de sel, elle doit être critiquée. Et ça, c'est le problème majeur de l'historiographie turque, le fait que l'approche critique du document est inconnu. En fait, l'historien turc, l'historien de l'Empire ottoman en Turquie, se réduit intellectuellement ou réduit ses compétences à la bonne lecture d'un document. Et vous verrez que la plupart des discussions portent sur des interprétations de telle ou telle lettre dans un document. On se croirait dans un contexte de lecture du cunéiforme. C'est-à-dire qu'il y a une sacralisation d'une discipline qui est tout à fait légitime, la paléographie, comme étant pratiquement l'équivalent de l'histoire. Or, cela, c'est inacceptable. C'est inacceptable puisque le document n'est qu'un début de réflexion pour une tentative de compréhension qui porterait sur des séries de documents et surtout qui aurait une vision critique du contenu de ce document. Ce fétichisme documentaire, on le sent constamment et c'est quelque chose qui nuit énormément à la connaissance de l'histoire ottomane. En plus, ce fétichisme se double de fétichisme nationaliste, c'est-à-dire qu'un document ottoman, dans le sens de produit par l'État ottoman, a, aux yeux de cette communauté, plus de valeur qu'un document produit par une des communautés formant l'Empire ottoman, que ce soit le patriarcat grec, que ce soit telle ou telle société arménienne, peu importe, et que la documentation occidentale, qui est déjà montrée du doigt comme étant, comme faisant partie de la construction d'un mensonge impérialiste qui vise à dénigrer l'Empire ottoman, la Turcité, etc. Donc, le positionnement critique que l'on voudrait voir à l'égard de la documentation ottomane, elle s'exerce, en plus, sans vraiment aucun fondement intellectuel, elle s'exerce à l'emporte-pièce à l'égard de la documentation dite étrangère. Celle-ci est immédiatement rejetée comme étant extérieure et suspecte aux yeux de ces historiens. Donc, ce fétichisme documentaire est quelque chose d'extrêmement nuisible. Et bien sûr, document, encore une fois, un document n'est qu'une ébauche de réflexion. Le travail de l'historien, ce n'est pas le déchiffrement d'un document, ça l'est aussi, mais c'est de l'interpréter, d'en tirer une essence que l'on pourra mettre en rapport avec d'autres documents, avec un contexte, avec des... Rien. On s'en tient à la publication de textes. La téléologie, alors ça, c'est un problème un peu partout, et on n'y échappe pas forcément, puisque la téléologie, c'est dans la nature de l'histoire. La téléologie, télos, c'est la fin en grec. La téléologie, c'est simplement le fait de construire son récit historique, interpréter des données à une certaine époque avec la connaissance de ce qui va venir. C'est le fait d'avoir vu la fin du film, parler d'un film alors qu'on en a vu la fin. Et ça, c'est quelque chose de très humain, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se débarrasser complètement de la téléologie. D'ailleurs, la téléologie est imbriquée dans le questionnement de l'historien, puisque la plupart des questions qu'il ou elle se pose, sont des questions qui sortent justement de sa connaissance du futur. Mais d'un autre côté, l'historien est censé pouvoir faire la part des choses et ne pas tomber dans le panneau de lier systématiquement toute information qu'il a glanée dans un passé plus distant à des probabilités qui auront lieu dans un futur par rapport à ce document. Et le cas classique que j'évoquerai lors de mon cours, c'est celui de la vision que nous avons du XVIIIe siècle comme étant une sorte de prélude à l'occidentalisation du XIXe siècle. C'est-à-dire que les moindres aspects d'occidentalisation, d'inspiration de nature occidentale, d'apports occidentaux, perçus documentés au XVIIIe siècle, sont immédiatement mis sur le compte d'une velléité, d'une intention déjà sous-jacente d'occidentalisation qui va, de ce fait, mener à l'apothéose du XIXe siècle, c'est-à-dire la modernité et l'occidentalisation. Je donne toujours en exemple les Turqueries, c'est-à-dire que si vous partez de ce principe et si vous interprétez les Turqueries du XVIIIe siècle en France, vous devriez en conclure que la France était sur le point de s'orientaliser. Donc, il faut faire la part des choses, c'est-à-dire que si les Ottomans au XVIIIe siècle s'intéressent à tel ou tel objet provenant d'Occident, reviennent d'une ambassade à Paris avec un rapport favorable et même avec des plans des jardins de Marly ou de Versailles, on ne peut pas en déduire que ceci est essentiellement différent de la manière dont les voyageurs occidentaux dans l'Empire ottoman repartent avec des gravures et des rapports sur ce qu'ils ont observé en Orient, d'autant plus que eux aussi les mettent en application, même si c'est sous la forme de fantaisies, de kiosques ou de tableaux de Van Loo. Donc, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Et il faut comprendre qu'un Ottoman au XVIIIe siècle regarde autant en Orient, c'est-à-dire vers l'Iran et vers l'Inde, que vers l'Occident, et que de toute façon, les Ottomans font partie intégrante de l'Europe ou de la Méditerranée, vous définirez ce monde comme vous le voulez, depuis le XVe ou en tout cas le XVIe siècle. Et que par conséquent, cette découverte de l'Occident n'est pas une nouveauté. Elle est amplifiée par certains phénomènes et elle est surtout amplifiée par le fait que l'Europe, elle, se sent beaucoup plus arrogante, se sent beaucoup plus puissante et par conséquent qu'elle peut déjà, elle, rêver de domination et que ça finit par déteindre sur la documentation. Mais en tout cas, ce que vous perdez en ne voyant pas que les curiosités occidentalisantes des Ottomans du XVIIIe siècle sont des fantaisies qui n'ont pas forcément vocation à devenir une mission civilisatrice, ce que vous ratez en ne voyant pas ça, ce sont les dynamiques internes. Et vous avez tendance, j'en ai bien des exemples, je vous les donnerai en temps voulu, vous avez bien des exemples de changement d'attitude, changement de coutume, changement de forme culturelle ou sociale du XVIIIe siècle qui sont mis sur le compte de l'occidentalisation ou de proto-occidentalisation. Proto, c'est le mot magique qui vous permet de rattacher tout concept à son futur sans vraiment vous soucier de l'existence ou non d'une véritable causalité entre les deux. Or, ce qui est intéressant pour l'historien, notamment pour l'historien comme moi qui s'intéresse à l'occidentalisation, c'est de voir les cas qui en sont indépendants. C'est-à-dire, c'est de regarder un peu en pochoir tout ce qu'on a. La grande difficulté en histoire, ça n'est pas de documenter ce qui a été, mais c'est de documenter ce qui n'a pas été. C'est ça qui échappe, ce qui n'a pas été documenté, ce qui n'a pas été. Et ça, c'est un défi à relever parce que c'est ça qui nous donne une vision un peu plus complète de cette complexité qui fait la réalité ottomane au XVIIIe siècle. Et c'est avec ça que je commencerai la semaine prochaine en essayant de vous montrer à quel point certains phénomènes que l'on pensait être liés à l'occidentalisation et que l'on aimait bien relier à une sorte de causalité à long terme qui débouchait sur l'occidentalisation du XIXe siècle, à quel point certains de ces phénomènes sont en fait dû à des dynamiques internes, à une transformation de la société, à une modernité interne. Une modernité qui trouve ses racines dans le XVIIe siècle, dans la curiosité de l'Orient, dans le XVIe siècle, et pas forcément dans l'occidentalisation. Enfin, un problème historiographique de taille que j'évoquerai tout au long de mon cours, c'est un peu l'effet de miroir créé par l'orientalisme sous la forme de l'anti-orientalisme. J'ai bien dit, je pense que c'était clair, que l'orientalisme est un vilain défaut et que c'est quelque chose qui, souvent, a vicié notre perception de l'histoire. Encore une fois, le problème étant que tout ce qui a été produit par une mentalité orientaliste n'est pas forcément à rejeter. Il y a de la très bonne histoire qui doit être relue à l'aune d'un regard critique pour pouvoir être utilisée encore aujourd'hui dans un contexte plus épuré. Mais souvent, ce qui est arrivé, et c'est là quelque chose que nous devons en particulier à la tradition anglo-saxonne de l'histoire, il y a un développement qui s'est fait depuis Edward Said d'une forme d'anti-orientalisme, une réaction que l'on comprend assez facilement puisque le souci créé par la publication de l'orientalisme par Edward Said, c'était de voir à quel point l'Orient, et cet Orient d'ailleurs n'était pas vraiment ottoman, l'Empire ottoman est le seul acteur qui ne participe pas vraiment dans l'orientalisme d'Edward Said, mais ça c'est une autre question, de voir à quel point cet Orient avait été lésé de sa dignité, traité en arriéré, et que par conséquent, on lui avait ôté la possibilité de parler pour lui et de revendiquer l'autonomie de son histoire. Et par conséquent, un gros effort a été fait pour essayer de vaincre l'orientalisme en trouvant les moyens de redonner la parole à l'Orient et surtout de lui rendre la dignité qui lui avait été ôtée. Et cela s'est fait malheureusement souvent au prix de raccourcis intellectuels et d'envolées spéculatives qui allaient à l'encontre de la raison historique. Et par conséquent, ironiquement si vous voulez, l'histoire ottomane et turque est en ce moment sous l'emprise de trois facteurs idéologiques extrêmement puissants. L'un, c'est le nationalisme. On s'en débarrasse plus ou moins facilement parce qu'il est bête. L'orientalisme, parce qu'il est encore là et qu'il est de plus en plus subtil. Et l'anti-orientalisme, parce qu'il est encore plus subtil que l'orientalisme et qu'il a l'attrait de ce qu'on appelle le politiquement correct. Et le terme de politiquement correct est un terme que j'essaye d'utiliser de moins en moins, pour la bonne et simple raison que c'est exactement le terme que Trump a utilisé lors de sa campagne pour essayer de dénigrer le libéralisme et les formes tout à fait démocratiques et égalitaires. Mais je le prends donc entre guillemets pour expliquer que l'anti-orientalisme a fait du tort à la discipline en essayant de pousser le bouchon dans l'autre sens. Le Collège de France et France Culture vous présente Edem Eldem, aujourd'hui des chausse-trappes de l'histoire ottomane. Là, je voudrais entrer dans le vif du sujet et commencer à parler de cet empire ottoman, de cet Occident et de ses rapports au début de la constitution de ce que j'ai appelé dans le petit film court de présentation de mon cours, le flirt entre les Ottomans et l'Occident. Et c'est pourquoi j'ai appelé ça curiosité et hésitation, j'aurais pu dire stupeur et tremblement. Quand vous choisissez deux mots pour définir un sujet, vous êtes toujours à côté de la plaque. Mais bon, il faut trouver un titre. Et curiosité, je pense que c'est un élément très important. C'est le fait d'aller voir ce qui se passe ailleurs, d'être curieux, de se poser des questions et surtout de commencer à se poser des questions sur soi-même. C'est là que vraiment un phénomène intéressant s'enclenche et ça, nous le verrons au XIXe siècle. Hésitation aussi, parce que rien n'est net au XVIIIe siècle. Je vous ai dit à quel point notre lecture du XVIIIe siècle avait tendance à être téléologique, à quel point nous avions tendance à lire déjà au XVIIIe siècle les signes précurseurs de l'occidentalisation du XIXe siècle. Or, ça n'est pas le cas. Cette occidentalisation, même si on en voit se dessiner quelques signes précurseurs, ils sont encore en surface. Ils sont en surface parce qu'ils sont d'abord très rares, ils sont en surface aussi parce qu'ils ne concernent qu'une très petite portion de la population. En général, des membres de la classe dirigeante, des gens que nous pourrions qualifier d'intellectuels. Donc c'est vraiment en surface que ça se passe. Donc curiosité et hésitation pour parler d'un début de relation. Cela étant dit, je souligne, je rappelle encore une fois que les Ottomans ont de tout temps été dans l'Europe, ou en tout cas très près de l'Europe. Et que par conséquent, il ne faut pas s'imaginer que l'Europe au XVIIIe siècle est tout d'un coup une découverte pour les Ottomans. Depuis le XVe siècle, ils ont découvert l'Europe, des Europes, puisque l'Europe a énormément changé. Ce qu'il y a de nouveau au XVIIIe siècle, c'est que l'Europe s'appelle de plus en plus Europe et qu'elle le dit avec beaucoup de suffisance et d'arrogance. Ça, effectivement, c'est nouveau. Mais sinon, les Ottomans, au XIVe et surtout au XVe siècle, ont déjà été confrontés aux Italiens, qu'ils soient Vénitiens, Génois, Pisans. Ils ont été confrontés aux Français, assez tôt, au XVIe siècle, aux Néerlandais, à la fin du XVIe, début du XVIIe, aux Anglais, à peu près à la même époque. Donc l'Europe n'est pas une terra incognita pour les Ottomans, mais ce qui change au XVIIIe et surtout au XIXe, c'est le rapport de force. Et par conséquent, lorsque je parle d'une découverte, lorsque je parle de l'établissement de nouvelles relations, c'est parce que je parle d'un registre qui est différent. Et que la suffisance des Ottomans, et nous en parlerons dans un moment, commence à disparaître. Un sentiment de jalousie, d'insécurité s'installe. Les Ottomans commencent à douter d'eux-mêmes. Et vous le savez, par l'exemple européen, et en particulier français, c'est quand on commence à douter de soi que l'on commence à changer et que l'on commence à se moderniser. Donc, c'est ce contexte-là que j'évoquerai, loin de moi, toute intention de vous faire croire que les Ottomans avaient été de tout temps distants de l'Europe. Au contraire, je crois vous avoir déjà dit, peut-être pas en ces termes, que j'étais un maniaque de la méthodologie et des problèmes de méthodologie, de lecture, de fausse lecture des sources. Et par conséquent, avant de me lancer dans le vif du sujet et dans cette interprétation de ce tableau, je voudrais faire un petit encadré, si vous voulez, un petit excursus autour d'une question de méthode qui a un rapport assez direct avec le genre de source que nous utiliserons. mais qui, du point de vue de la période, se place bien en aval de notre période. Et c'est un petit exercice, une petite digression, un petit excursus que j'appelle, avec beaucoup d'humour, mais c'est vrai en plus, de quelle couleur était le cheval blanc du général. Je vous explique. Le général n'est pas n'importe quel général, c'est le général Franchet d'Espéré, qui, vous le savez peut-être, était à la tête des forces de l'Entente, des forces alliées de l'Entente, lors de l'occupation d'Istanbul en 1919. C'est lui, par conséquent, qui a eu la charge d'investir la ville au nom des forces alliées. Et en février 1919, il a débarqué sur les quais de Galata, le port d'Istanbul, et de Galata jusqu'à l'ambassade de France, s'est organisé un cortège, une sorte de parade militaire, avec Franchet d'Espéré en tête. Voici une photo de ce cortège. Vous y voyez au milieu Franchet d'Espéré sur son cheval, encadré de deux poilus qui tiennent le cheval un peu à la manière des empereurs romains. Seulement, le problème, c'est que ce cheval est bai. C'est un cheval qui a une robe foncée. Il n'est pas blanc. Alors, pourquoi serait-il blanc ? Ben, il devrait être blanc, parce que tout le monde nous l'a dit. Et ceci, je le dois à M. Nicolas Jallot, qui est un réalisateur de documentaires pour Arte, qui un jour est venu me trouver à Istanbul pour un projet, et qui m'a dit « j'ai jamais compris pourquoi tout le monde disait que le cheval de Franchet d'Espéré était blanc ». Alors que j'ai trouvé une photo où il est tout sauf blanc. Franchement, je n'ai pas vraiment travaillé sur la période de l'occupation d'Istanbul, donc de 1918, si vous voulez, à 1923. Par conséquent, ce n'était pas une question brûlante. Mais ma curiosité a été titillée, comme il se doit, puisque la question était intéressante et puisque j'étais obsédé par cette question des sources qui étaient mal interprétées, et qui, par conséquent, menait à des erreurs parfois colossales. Et je me suis amusé à dépouiller, effectivement, tous les auteurs qui parlaient de cet événement. J'en ai plus d'une soixantaine, je crois que j'en ai trouvé 70, et ensuite je me suis arrêté parce que ça n'avait plus de sens. Ils disaient tous la même chose, que le cheval était blanc. Que le cheval blanc de Franchet d'Espéré. Et je vous cite des noms, vous les voyez peut-être, Bernard Lewis, Lord Kinross, des collègues français, Paul Dumont, Geoffrey Lewis, François Georgeon, que je salue par la même occasion, Stéphanie Racimos, le regretté Stéphanie Racimos, Yves Ternon, Tanner Akçam, Carter Findlay, Benjamin Fortner, Andrew Mango, j'en passe, et des meilleurs. Et la question était quand même brûlante. Pourquoi cette erreur ? Parce que, en plus, l'erreur, elle ne venait pas seule, elle était accompagnée d'un sens très lourd qui était donné à la couleur du cheval. Puisqu'on disait que le cheval était blanc, parce que le général voulait imiter l'entrée de Mehmet II, le conquérant, à Constantinople en 1453. En gros, il voulait rendre la pareille aux Ottomans, en leur prouvant qu'il pouvait lui aussi investir la ville, un peu comme leur ancêtre l'avait fait cinq siècles pratiquement auparavant. Et en plus, on ajoutait que le cheval avait été offert à Franchet d'Espéré par la communauté grecque, dans certaines sources par un grec, jamais nommé, et tout ça s'accompagnait de toutes sortes de détails infamants, en quelque sorte, qui ne faisaient qu'alourdir l'insulte que représentait cette entrée triomphale d'un général français sur un cheval blanc. Alors, bien sûr, je vous ai dit que tout le monde disait qu'il était blanc. Pas exactement. Si vous me permettez de faire un pastiche d'Astérix. Je dirais, nous sommes en 1999 après Jésus-Christ. Tous les historiens se trompent sur la robe du cheval du général. Tous ? Non. Une historienne, Nour Bilge-Kris, résiste encore et toujours à l'erreur parce que sa thèse porte justement sur la période de l'occupation. C'est la seule à ne pas être tombée dans le panneau. Elle n'en parle pas. Elle parle de l'entrée triomphale, mais elle ne parle pas de la couleur du cheval. Et pour cause, elle a travaillé sur les sources d'origine et par conséquent, elle n'y a rien trouvé qui soit frappant du point de vue de la couleur de la monture du général. Seulement, ce qui est fascinant, c'est que la même auteure, 4 ans plus tard, dans un article qu'elle publie sur la période dans un ouvrage collectif, a une note en bas de page où tout d'un coup le cheval est redevenu blanc. C'est vous dire la force que représente la répétition de cette vérité qu'on n'a aucune raison de douter. Loin de moi le désir de jeter la première pierre. Je peux vous garantir que si j'avais jamais travaillé sur cette période, ou du moins si j'avais eu à traiter en passant de cette période, et si j'avais jugé opportun de parler de cet événement, je serais moi aussi tombé dans le panneau. Pourquoi douterais-je de ce qui a été répété par au moins 60-70 auteurs avant moi? Pourquoi les remettrais-je en question? Donc, je ne les accuse absolument pas d'une véritable erreur. C'est quelque chose qui est normal. Normal dans le contexte de l'histoire ottomane où, justement, la rigueur scientifique ne s'est pas encore emparée de la manière dont nous assurons la solidité des sources sur lesquelles nous travaillons. Et c'est un problème énorme, parce que, bien sûr, qu'allez-vous faire si vous travaillez sur un sujet qui n'est pas directement de votre ressort? Est-ce que vous allez vérifier tous les appels de notes, toutes les notes en bas de page, toutes les références bibliographiques des gens qui sont venus avant vous? Est-ce que, au contraire, le but, l'objectif de l'histoire, c'est d'accumuler la science, de la transmettre, et par conséquent, pour des choses aussi bêtes que la couleur d'un cheval, puisque ça tombe exactement dans le contexte de ce que j'ai décrit la dernière fois comme une banalité, quelque chose que l'on peut établir avec certitude et qui, par conséquent, n'est pas vraiment intéressante. Pour ce genre de choses, est-ce que vous allez vous amuser à retourner jusqu'aux documents d'origine afin de vérifier que vos prédécesseurs ont bien fait leur travail? Pas vraiment. Mais d'un autre côté, il faut apparemment le faire, surtout quand les conclusions que l'on tire d'un petit élément aussi insignifiant que la robe du cheval acquiert de telles proportions symboliques, puisque vous avez tout un texte qui va dans le sens, qui met du beurre dans les épinards du nationalisme turc, puisque vous prouvez la collusion entre le général français et les traîtres grecs qui sont à lui fournir l'instrument de son insulte. Donc vraiment, c'est pas peu. Et bien sûr, le problème, bien sûr, n'est pas tant de corriger une erreur, parce que une fois que l'erreur est corrigée, une fois que, avec certitude, vous arrivez à établir que le cheval n'était pas blanc, bon, l'affaire est close. Où l'est-elle vraiment? Parce que, pour moi, ce qui est beaucoup plus intéressant, ça n'est pas de corriger l'erreur, mais c'est de comprendre comment cette erreur est née. Et c'est là que ça devient intéressant. Et c'est là que l'histoire devient un discours ambigu où vous pouvez essayer de spéculer sur le sens des sources, des interprétations que l'on donne des sources et des conséquences que vous pouvez en tirer pour l'histoire, pour le récit historique qui vous intéresse. Parce que ce que personne n'a noté, c'est que, effectivement, le cheval blanc, la blancheur du cheval, c'est quelque chose qui rappelle le cheval de Mehmet II, mais pas en 1453. Le cheval de Mehmet II, au XIXe siècle, lorsqu'il a été réinventé comme étant blanc. Donc vous avez deux inventions qui s'emboîtent. Ce tableau célèbre à Istanbul est une représentation de l'entrée de Mehmet II dans Constantinople, avec son cheval blanc, les étendards rouges et verts de l'islam, bien sûr. Mais cette toile par Fausto Zonaro, et Fausto Zonaro est un artiste italien qui a atterri à Constantinople et qui a réussi à devenir le peintre attitré du sultan Abdulhamid, sa mission était justement de redorer le blason aux Ottomans en produisant des fresques historiques, comme on le faisait quelques décennies auparavant en Occident, pour vanter les mérites de la généalogie ottomane et des hauts faits des ancêtres du sultan actuel. Seulement, ce qui est intéressant, c'est que son tableau, il n'est pas innocent, c'est une réponse à un autre tableau, que vous connaissez peut-être, Benjamin Constant. Et ça, c'est la prise de Constantinople par Mehmet II, Mahomet II. Et là, vous remarquerez que le cheval du sultan, il est noir. Il est noir comme la fumée qui s'élève derrière lui. Il est noir comme le carnage vers lequel il avance. Vous comprenez là qu'il y a deux versions extrêmement diamétralement opposées du même événement. Une vision, disons, européenne de la barbarie ottomane, turque, appelez-la ce que vous voulez, qui conquiert un des derniers bastions de l'Occident en Orient. Et puis, vous avez le peintre italien qui, à la solde du sultan ottoman, essaye de redresser cette image et fait de Mehmet II un conquérant pacifique, en quelque sorte, puisque le blanc, c'est aussi la paix, mais c'est aussi la conquête, et essaye de donner une image positive de cet événement. Alors, mais ça ne s'arrête pas là, et c'est là que ça devient encore plus intéressant, c'est que le mythe, l'image, le stéréotype, le cliché du cheval blanc est un classique du répertoire impérial chez les Romains, mais aussi chez les Byzantins. Et par conséquent, il y a bien des images, par exemple au Xe siècle, il y a l'empereur Jean Timisques, premier du nom, qui est censé avoir conquis la ville de Constantinople sur un cheval blanc. La même chose est dite de Baudouin, après la quatrième croisade. En 1204, il est lui aussi entré sur un cheval blanc à Constantinople. Mieux encore, vous avez une iconographie populaire grecque du XVIIIe et du XIXe siècle en particulier, qui reprend le thème du cheval blanc, et cette fois-ci, vous remarquerez que c'est Constantin, le dernier empereur, celui qui défend désespérément la ville de Constantinople, qui combat les Turcs sur un cheval blanc. Donc, vous voyez que, au-delà de la certitude en histoire, ça aurait été une jument verte que ça n'aurait vraiment pas fait de différence. Bleu, blanc, rouge, quelle que soit la couleur du cheval, ça reste beaucoup moins intéressant que la manière dont cet événement est lu, perçu, senti, ressenti par les populations, par les auteurs. Donc ce qui est intéressant, ça n'est pas de trouver la couleur, c'est de trouver ce phénomène de transformation qui caractérise la manière dont les sources sont dénaturées, non pas selon l'ignorance, etc., mais selon une manipulation qui elle-même a un sens historique. Et ça, c'est fascinant. Et il faut bien comprendre que derrière ce mythe du cheval blanc se cache une frustration. Je crois avoir trouvé que celui qui a pondu cette histoire, celui qui a inventé l'histoire du cheval blanc, est un auteur très nationaliste, conservateur, turc des années 40-50, Ismail Hami Danishmend. C'est lui, si vous voulez, en creusant, c'est lui que j'ai pu trouver comme premier auteur parlant de la blancheur du cheval. Et je pense que plus qu'une invention, c'est en quelque sorte un cri du cœur. C'est sa manière d'essayer de transformer une gifle, quelque chose qui a été très mal perçu, pour des raisons diverses et variées, mais surtout des drapeaux grecs dans la ville de Constantinople. C'est ça. C'est ça que les Turcs, les futurs Turcs, ont très très très mal digéré pendant cette occupation. Et par conséquent, ils ont remis en quelque sorte, ils ont projeté ce crime, cette trahison, sur quelque chose d'encore plus gros, mettant le paquet sur le symbolisme qui se déroulait, soi-disant, devant leurs yeux. Et ça, franchement, c'est beaucoup plus intéressant que de digresser sur la couleur du cheval uniquement. Et ça n'est pas malhonnête. Ce qui est problématique, bien sûr, c'est de voir que certains documents, par exemple les mémoires d'un ottoman, un chambellan du palais, Lutfi Sima Avi Bey, qui a été témoin de ces événements, ces mémoires ont été publiées pour la première fois en 1924. Vous lisez le passage relatif à l'entrée de Franché d'Espéré, on n'y parle absolument pas de la couleur du cheval, et pour cause. En 1970, ces mémoires ont été rééditées, et le cheval blanc a été introduit, de même que l'histoire du cadeau grec, etc. Là, bien sûr, c'est malhonnête. Lorsqu'en 1970, quelqu'un vous transforme une source qui est pourtant clair et net, en quelque chose qui va dans le sens de ce qu'il voulait prouver, ça bien sûr. Mais sinon, l'autre est intéressant parce que c'est une lecture à plusieurs niveaux du symbolisme attribué à un élément d'un événement qui a été traumatisant et que les gens revisitent d'une manière plus ou moins fantaisiste. Et ce qui est intéressant, l'histoire, c'est ça. Les cours du Collège de France, vous venez d'écouter les 12 et 19 janvier 2018 Edem Eldem dans le cadre de sa série L'Empire Ottoman et la Turquie face à l'Occident, aujourd'hui des chausse-trappes de l'histoire ottomane. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, les vidéos, les citations et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours d'Edem Eldem. Sa leçon inaugurale vient d'être publiée chez Fayard sous le titre « L'Empire ottoman et la Turquie face à l'Occident ». Un grand merci à Marguerite Maubert et aux équipes de la documentation d'actualité de Radio France. Réalisation Anne Sacheret, présentation Meryl Moneghetti. Demain, nous retrouverons Edem Eldem et il sera question des relations entre l'État sublime et l'Europe au XVIIIe siècle. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.